France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, plongée dans les années de plomb, version belge. Tout au long des années 80, la Belgique est régulièrement secouée par des attaques terroristes et des braquages. C'est l'époque en Europe occidentale. La France avec Action Directe, l'Italie avec les Brigades Rouges, l'Allemagne avec la fraction armée rouge, attentats politiques, tueries de masse, motivations politiques et dérives criminelles, tout se mélange en ce temps-là. En Belgique, tous les jours, ou presque, les journaux annoncent qu'un fourgon de transport de fonds a été dévalisé. Spécialiste des attaques de convois de fonds, un certain Patrick Hamers fait trembler le pays. Avec sa bande, il multiplie les méfaits, parfois avec une violence extrême. Il s'évade de façon spectaculaire, à la façon d'un Jacques Mesrine, et pour parachever ce portrait déjà chargé, il enlève un ancien Premier ministre, un sérieux client pour la police, dans une époque troublée, heurtée, tragique. Notre invité aujourd'hui, François Troukens, ex-braqueur devenu spécialiste des affaires criminelles. Il a présenté pendant 5 ans une émission consacrée aux faits divers à la télé belge. Il est aussi et surtout le réalisateur de Tueur, film sorti en 2017, très inspiré des événements qui se sont produits en Belgique durant les années 80. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Sylvie Fagnard, coordination Franck Cognard, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter. Dans son box blindé grillagé, un homme, grand, blond, le teint pâle, fait face aux appareils photo qui crépitent. Ce lundi 19 avril 1993, Patrick Hamers, l'ennemi public numéro 1, l'individu qui terrorise la Belgique depuis plus de 10 ans, va enfin répondre de ses crimes. C'est même le procès du siècle dans ce pays. Le procès de la démesure, titre la presse belge. 130 000 pièces de procédure au total, il est vrai, rassemblées dans 109 cartons. On raconte même qu'un des avocats des parties civiles a dû sacrifier sa véranda pour les entreposer. L'acte d'accusation tient, lui, sur 338 pages. Et il a été prévu 2 jours entiers pour sa seule lecture. Le document reprend les multiples méfaits commis par Patrick Hamers et sa bande, une dizaine de braquages qui se sont soldés par 3 morts. Et en 1989, l'enlèvement d'un ancien Premier ministre. Les greffiers de la cour d'assises des Brabants n'auront pas l'occasion de lire l'interminable accusation, car le procès tourne court dès son ouverture. La cour d'assises du Brabant a donc ouvert ce matin un procès fleuve, médiatique et placé sous haute surveillance policière comme si on craignait un ultime coup du Grand Blond et de ses complices. Le marathon judiciaire quant à lui a déjà pris du retard, la cour devait examiner cet après-midi l'acte d'accusation, mais le quorum des jurés n'étant pas atteint, il a été reporté. On procédera à un nouveau tirage demain. Les assises, quant à elles, sont reportées à mercredi. On le voit, le procès du siècle, comme on l'appelle déjà en Belgique, a du mal à démarrer. Impossible en effet d'établir une liste de 12 jurés et de leurs suppléants. Une majorité d'entre eux, tirés au sort comme il se doit, fait valoir une impossibilité, qui professionnelle, qui familiale. Une femme argumente, par exemple, qu'elle ne peut pas laisser son chien seul. Pensez donc, il hurle à la mort en son absence. Alors 5 mois, par question. Oui, 5 mois. Parce que ce procès fleuve est prévu pour durer de la mi-avril jusqu'à la fin août. Trop long, et puis en plein milieu des vacances. Et puis il y a le pédigré de l'accusé également qui fait trembler. Alors les jurés tentent de se défiler. Les premiers coups du truand remontent à l'aube des années 80. Vol de moto ou de voiture pour aider les copains. Patrick Hamers ne suit pas la voie tracée par son père, un notable bruxellois, propriétaire d'une demi-douzaine de magasins de vêtements de sport. Non. Patrick est un oiseau de nuit, frayant avec des types louches et collectionnant les conquêtes. Bien bâti, blond aux yeux bleus métalliques, Hamers est ce qu'on appelle un beau gosse. Il y a quelque chose de James Dean chez lui. Il passe ses soirées dans les bars et les discothèques de Bruxelles, au Happy Few, par exemple, sur l'avenue Louise, où il dépense des milliers de francs belges en whisky et en coke. Un train de vie dispendieux qui conduit rapidement Hamers à la délinquance pure et dure. Début 81, il attaque une agence de la BBL, une banque belge dans la région de Courtrai. butin, 350 000 francs, soit 9 000 euros d'aujourd'hui. Ce premier braquage n'est pas une réussite. Hammer s'est arrêté quelques semaines plus tard. Et il écope, pour ce premier forfait, d'une peine de 2 ans de prison. Mais il n'y reste que quelques mois, remise de peine oblige. Une fois dehors, l'individu n'a pas du tout l'intention d'emprunter le droit chemin. Dans son viseur, les agences postales qui détiennent et transportent beaucoup d'argent liquide et sans réelle protection. Ainsi, le 2 novembre 83, jour de ses 31 ans, Patrick Hammer, ses trois complices, braquent, arme au poing, le bureau de tri de la poste de Herstal, dans la banlieue de Liège. Le coffre ne peut être ouvert que par 2 clés en même temps, et le postier responsable de l'une d'elles est en retard. Alors, en l'attendant, Hammer et sa bande retiennent 28 de ses collègues en otage. Parmi eux, un certain Raymond Stokis, qui raconte. Vers 6h03 de ce matin, en arrivant à mon travail, j'étais pris en otage par une personne. La figure était camouflée, je vais dire, on ne voyait que ses yeux et était armé d'une mitraillette, quoi. Hein. Et les bandits parlaient français? Oui, parlaient français très bien, même ils n'avaient pas l'accent étranger, quoi. Le magot, l'équivalent de 240 000 euros, est dérobé sans plus de violence. Ce qui n'est pas le cas, mais alors pas du tout. 2 ans plus tard, de l'attaque de la poste de Verviers, pas loin de Liège, là encore. Ce matin du 4 novembre 85, une voiture bloque le fourgon qui quitte l'agence de la gare, escortée par la gendarmerie. 3 hommes cagoulés en surgissent et mitraillettes à la main. Ils tirent dans les roues des camionnettes et s'empressent de menotter les gendarmes. Mais le chauffeur refuse de déverrouiller la portière. Alors, ils la font sauter à la dynamite. Rien ne doit leur résister. Mais dans le fourgon, 2 agents de la poste veillaient sur les 10 millions de francs belges, soit 240 000 euros. Les corps de Henriette Genet, 30 ans, enceinte de son 3e enfant, et de Yves Lambier, 31 ans, sont déchiquetés. Le hold-up d'une extrême violence soulève l'indignation des passants interviewés pour le journal télévisé. Peut-être qu'ils me regardent, ben, ils ont laissé des veuves et un veuf et des enfants qui n'ont plus de père et de mère aujourd'hui. Quand vous voyez ça, ce sont des orphelins. Alors, celui qui a des enfants, il juge quand même un peu intelligemment, n'est-ce pas, quand il voit tout ce qui arrive dans notre pays. C'est le premier accident pareil qui arrive dans le pays de cette façon. Si on veut voler de l'argent, qu'on vole de l'argent, mais qu'on laisse les hommes, qu'on laisse la vie humaine à quelqu'un, n'est-ce pas? L'argent, on en fait tous les jours, mais la vie humaine, on ne saurait plus la remplacer. Elle est partie, elle reste partie. La population belge est sur les dents. Le pays vit des années violentes. Depuis 1982, les attaques de tout genre viennent régulièrement ensanglanter l'actualité. Et ce sont pendant ces années-là que se déroulent les tueries du Brabant, une succession de braquages et d'assassinats au hasard, des passants, notamment sur des parkings de supermarchés. 28 personnes tuées dans la rue en l'espace de 3 ans. Des meurtres pour qui, de surcroît, tous les mystères ne sont pas encore levés, mais qui auraient un lien avec l'extrême droite. C'est à la même période que sévissent les cellules communistes combattantes, qui, elles, s'inspirent des actions de la fraction armée rouge allemande. Elles revendiquent une 20aine de vols d'armes et d'attentats entre 1983 et 1985. 2 pompiers perdant la vie dans celui qu'elles commettent contre le siège de la Fédération des entreprises belges le 1er mai 85. Hammer et sa bande enchaînent de leur côté les braquages. En 2 ans, 7 hold-up, 2 millions d'euros de butin et 3 morts. Une série qui va s'interrompre avec l'arrestation le 16 octobre 86 du braqueur et de son principal ami et complice Philippe Lacroix. Mais encore un qui recouvre rapidement la liberté et qui n'a plus qu'une idée en tête, faire évader son pote. L'opération se déroule au mois d'août 87. Grâce à la femme de Patrick Hammers, Denise Thiac, Philippe Lacroix est averti du transfert de son partenaire de sa prison de Louvain jusqu'au palais de justice de Bruxelles. Alors, à peine le combi qui le transporte a-t-il quitté la petite ville flamande qu'une Audi noire lui fait une queue de poisson. Ses occupants tirent dans la serrure, la porte s'ouvre, un gendarme gravement blessé à la jambe. Hammers prend la tangente, direction Paris où l'attendent sa femme et son fils. Ils prendront le soir même, avec de faux passeports, un vol pour Rio. Et c'est là, au Brésil, que le couple vit ses jours les plus heureux. Les Hammers ont loué une villa dans un quartier réservé aux riches, piscine, domestique. Ils ont adopté toutes les habitudes des Brésiliens les plus aisés. Mais le magot commence à fondre. Alors pour le renflouer, la bande multiplie les allers-retours entre le Brésil et la Belgique. et les braquages reprennent à un rythme quasi mensuel. Recherché par toutes les polices de Belgique, un mandat d'Interpol sur le dos à Meurs, c'est qu'il risque de plus en plus gros. Il cherche alors le plan ultime, le coup de la finale, comme il le dira lui-même, celui qui lui permettra de se ranger pour toujours. Dans son viseur, une nouvelle cible, un homme politique de premier plan. C'est d'ici à son appartement de l'avenue du Congo que M. Van den Moenens a été enlevé hier, un enlèvement revendiqué cet après-midi par un interlocuteur anonyme disant faire partie des brigades socialistes révolutionnaires, les BSR. On a découvert une chaussure à l'endroit où il a été visiblement agressé, c'est-à-dire devant une porte reliant le garage à l'immeuble. Et selon des sources d'Île-de-France, on aurait également découvert à cet endroit une pipe, un appareil auditif et puis la capsule d'une seringue, ce qui laisse croire que Paul Van den Moenens aurait été endormi au moment de son enlèvement. L'annonce de cette nouvelle fait l'effet d'une bombe en Belgique. Parce que ce 12 janvier 1989, c'est tout de même à un ancien Premier ministre que s'en prend la bande de Hammers. La victime a été assommée, droguée, puis enlevée dans son parking. VDB, comme on l'appelle, est une figure de la vie politique belge, dont il a dirigé le gouvernement par deux fois, de 1966 à 1968 et de 1978 à 1979. Sans compter d'innombrables mandats ministériels. Il a l'allure d'un Pompidou et la bonhomie d'un Chirac, le tout enrobé d'une gouaille toute bruxelloise. Van den Moenens, c'est aussi un homme d'affaires dont le succès est connu. Il a fait sa fortune dans la boucherie industrielle. Trois ans auparavant, il était jugé pour fraude fiscale. Un procès au cours duquel l'ampleur de son patrimoine est révélée. Il pèserait 2 milliards de francs belges, soit 50 millions d'euros. Le rapt est rapidement revendiqué. Une lettre tapée à la machine parvient à la rédaction du principal quotidien francophone. Elle est adressée, je cite, « au camarade Toussaint, rédacteur en chef du Torchon le soir » et signée du nom d'un mystérieux groupuscule, les BSR pour Brigade Socialiste Révolutionnaire qui préviennent, nous avons décidé de couper une oreille au sinistre VDP. Les autorités et la famille de l'homme politique prennent la menace très au sérieux. Car ici et là, en Europe, à la fin des années 80, les dénouements dramatiques d'enlèvements politiques font régulièrement la une de l'actualité. À la tête desquels l'enlèvement en Italie et le meurtre par les brigades rouges de l'homme politique Aldo Moro, qui au nom de la démocratie chrétienne s'apprêtait à prendre la tête du gouvernement. En France, c'est le PDG de Renault, Georges Metz, que le groupe Action Directe assassine. Pendant que le fils de Paul Van den Moenens fait part de son inquiétude à la télé et que les médias se perdent en conjectures sur les motivations de ces brigades socialistes révolutionnaires, en coulisses, les ravisseurs, eux, ont déjà commencé à négocier. Et comme leur recommande en otage, ils contactent l'un de ses vieux amis, un certain Jean-Nathan. Les coups de fil se succèdent, que la police écoute assidûment. Elle sait alors qu'un accord se dessine. L'ancien Premier ministre sera libéré contre la somme de 63 millions de francs, plus de 1 500 000 euros. Allô ? C'est Monsieur Léon. Oui ? Votre décision ? Je vous l'ai déjà donné. Est-ce que tout est prêt, monsieur ? Je peux faire l'opération vendredi. Bien, parfait. Rendez-vous. Vous avez une chambre réservée au Hilton. Hilton ? Quel jour ? Le Noga Hilton, vendredi. On prendra contact l'après-midi dans votre chambre. Quelle garantie j'ai que mon ami sera libéré ? Vous n'en avez aucune, monsieur. Mais je l'ai. Quand nous aurons ce que nous demandons, nous vous rapporterons. Je peux compter sur votre parole. C'est une parole, monsieur. C'est une parole. Parfait. Et en attendant, moi, je prépare tout pour vendredi. Nous sommes d'accord ? Très parfait. Parfait, monsieur. Au revoir. Au revoir et bonne journée, merci. Rendez-vous est donc fixé au Hilton de Genève. Jean-Nathan, le vieil ami de Van den Moenens, doit alors se livrer à un véritable jeu de piste dans la cité suisse. Des instructions sont glissées dans un journal, abandonné sur le bord d'un parc. Elles conduisent, de fil en aiguille, au lieu prévu pour l'échange de la mallette bourrée de billets. 4 jours plus tard, le 14 février 1989, Paul Van den Moenens est relâché sur le parking de la gare de Tournai. Déboussolé, parasé, amaigri, mais vivant. Une édition spéciale de notre journal pour ce qui est l'événement de la journée. Paul Vandenbounans est libéré. Dès l'annonce de la bonne nouvelle, de nombreux bouquets de fleurs ont été portés chez Paul Vandenbounans. Ses amis ont voulu ainsi lui témoigner immédiatement leur sympathie. Plusieurs proches ont également pu le rencontrer. Tous ont confirmé que Paul Vandenbounans était très éprouvé, mais que son état de santé n'inspirait aucune inquiétude. Bon, la Belgique respire, certes. Mais après 4 semaines de fausses pistes, l'identité des ravisseurs reste inconnue. Vandenbounans, l'ancien premier ministre belge, ne sait pas non plus qui l'a enlevé. Mais il a quand même quelques indices. Dès le lendemain de sa libération, il donne une conférence de presse. Il y livre le détail de ses 30 jours de séquestration, passés seul dans le noir. Il n'a jamais vu ses kidnappeurs, n'a même jamais entendu leur voix. Ces derniers échangent avec lui, en effet, au moyen de lettres dactylographiées. Ce qu'il sait, en revanche, c'est que les motivations politiques de ces ravisseurs n'étaient qu'un écran de fumée. Ce que je peux dire, c'est que ce sont, vous pouvez me croire, messieurs, des vrais professionnels. Bien armés, bien organisés. On m'a dit, nous ne sommes pas BSR, on s'en fout de la politique. Il nous faut de l'argent. Pendant plus d'1h30, Paul Vandenbounans tient son auditoire en haleine. Il fait même s'exclaffer les 200 journalistes présents dans la salle quand il leur précise la nature de ses repas pendant la séquestration. Et il les émeut aussi, et surtout, quand il évoque ce qui l'a fait tenir. Je me suis battu contre moi-même. J'ai pensé à tous ceux que je voulais absolument revoir. J'ai pensé à tout ce que je pourrais encore faire. J'ai dit Et je vous l'ai dit comme j'ai dit, parce que je me suis dit la phrase à mi-voix. VDB, tu ne vas pas crever ici. Cette phrase, les Belges ne l'oublieront jamais. En cette fin des années 80, les discothèques d'Europe résonnent d'une musique inventée en Belgique, la New Beat. Une pointe de New Wave et d'Acid House sur fond de boîte à rythme. Le tout ponctué de paroles qui s'impriment dans les cortex, puisées dans l'actualité et, dans le genre, les punchlines de l'ancien Premier ministre libéré sont du pain béni. Le musicien Paul Delnoy, notamment, vend 50 000 exemplaires de sa chanson intitulée « Qui ?», uniquement composée des extraits de la conférence de presse de VDB. Et voilà l'homme politique à la tête des hit-parades. L'ancien Premier ministre finira même par obtenir une partie des droits d'auteur. Décidément, rude dans l'affaire, celui-là, jusqu'au bout. Qui m'a enlevé mon loden déchiré, ma pipe? Résultat des courses, je suis resté en chemise et en caleçon. PDB, tu ne vas pas crever. Qui? La Belgique danse sur les paroles de VDB donc. La traque des ravisseurs, elle, s'intensifie et les forces de l'ordre vont bénéficier d'un coup de pouce du destin. Il se trouve que les gendarmes de Louvain, ceux qui tentent depuis 87 de retrouver la trace de Patrick Habers, tiennent enfin une piste. Cela fait 2 ans qu'ils gardent sous surveillance les proches des membres de la bande. Normal. Et ils repèrent que la femme de l'un des malfrats, Basri Bajrami, dit Tosca, occupe un hôtel aux Pays-Bas. Alors il la place sur écoute et ils finissent par intercepter un appel intéressant. Allô? Allô? Oui? Ça va, mon petit cœur? Ça va. Tu vas? Oui. Moi aussi. Hé, hey. Hein? Qu'est-ce qu'il y a à ce téléphone? Hein? Le téléphone, il craque là. Non, c'est pas grave. À 4 heures d'après-midi, hein. Si je suis en retard, tu tournes devant là. Oui, là où ce qu'on avait dit. Hein? Là où ce qu'on avait dit. À endroit avec 4 lettres là. Ouais. Devant le gros truc là. Ouais. Mardi, hein. Ça va. Ciao, je t'embrasse. Ok, moi aussi. Ciao. Mardi 14 février 1989, en ce jour de Saint-Valentin, Basri Bajrami a donc prévu un rendez-vous amoureux. C'est ce matin-là que VDB sera relâché. Mais pour le gangster, l'heure est d'abord au romantisme. Les gendarmes entament la filature de sa bien-aimée dès qu'elle quitte son hôtel en Hollande. Elle pique vers le sud, traverse la Belgique et passe la frontière française. Les gendarmes essaient de résoudre l'énigme de ce fameux endroit à 4 lettres où cette femme doit retrouver son bien-aimé. Eh bien, elle s'arrête à Metz et elle mène les gendarmes jusqu'à une place animée de la ville. Le piège se referme sur Bajrami. Il est arrêté par les gendarmes qui retrouvent sur lui une liasse de francs suisses. Or, les numéros des billets révèlent le poteau rose, car il s'agit d'une partie de la somme qui a servi à payer la rançon de VDB. Pour les enquêteurs, c'est clair, enfin une vraie touche, un élément capital de leur enquête. Et de fait, il n'y a jamais eu de groupuscule révolutionnaire. Les BSR n'étaient qu'un leurre. Un pied de nez, une mauvaise blague d'ailleurs. En Belgique, la section des forces de l'ordre en charge du grand banditisme se nomme justement la Brigade de Surveillance et de Recherche, ou par acronyme BSR. Derrière l'enlèvement de VDB, il fallait en fait chercher la bande à Hammers. Un à un, les gendarmes lèvent les mystères de l'affaire. Dans les effets de Bajrami, ils découvrent une boîte d'allumettes signée du nom d'un hôtel parisien. Dans cet établissement, les relevés téléphoniques signalent le numéro d'une villa au Touquet, appelée à plusieurs reprises. Donc, les forces de l'ordre s'y rendent. Et elles découvrent un lieu de séquestration abandonné dans la précipitation. Tout y est, anneaux scellés dans le mur, scotch, gants jetables, tout le matériel d'enlèvement a été laissé là. L'enquête de voisinage n'a plus qu'à confirmer qu'un grand blond a bien passé 4 semaines dans cette villa. Bien. Reste à savoir maintenant où se planque Patrick Hammers, le gros poisson de l'histoire. Et là aussi, les enquêteurs sont en veine. Dans un garde-meuble loué par un cousin de Philippe Lacroix, le principal comparse de Hammers, ils mettent la main sur une machine à écrire dont le ruban recèle un trésor. Analysé, il révèle en effet une adresse à Rio de Janeiro. Alors, direction le Brésil pour les gendarmes de Louvain. Ils savent que le truand a conservé des contacts réguliers avec son père. Il commence donc à planquer devant les cabines téléphoniques réservées aux appels internationaux. Et quelques jours plus tard, au bar à shopping center d'un quartier chic à Rioja, il voit apparaître un géant. Oui, un homme blond, très grand. Après presque 2 ans de cavale, le 27 mai 1989, ils tiennent enfin Patrick Havers. Et ce dernier n'oppose aucune résistance. Coopératif même, il accepte quelques jours plus tard de donner, avec sa femme Denise, une conférence de presse organisée par les autorités brésiliennes. Et alors, sans filtre. J'ai participé à l'enlèvement de M. Paul Vandenbrunens. J'ai organisé l'affaire. J'ai enlevé M. Paul Vandenbrunens. J'ai séquestré M. Paul Vandenbrunens. Pourquoi avez-vous choisi Paul Vandenbrunens ? Parce que dans le monde belge, par la presse, on a entendu dire que M. Paul Vandenbrunens avait une fortune estimée à 2 milliards. Alors forcément, M. Paul Vandenbrunens était intéressant. Mais M. Paul Vandenbrunens ne possède pas 2 milliards. Vous n'avez pas l'image, normal, nous sommes en radio, mais je peux vous dire que c'est sourire aux lèvres qu'il fait toutes ces déclarations. Transparent également sur ses autres activités. Et quand les journalistes lui demandent combien de braquages il a commis, il répond « Oh, je compte sur la police belge pour me rafraîchir la mémoire. » Mais au moins une quarantaine, assure-t-il. Enfin, bravache et toujours souriant, il dit ne rien regretter. Même les morts. Et alors, ça vous empêche de dormir ? De dormir, non, mais ça ne m'empêche pas d'y penser. Ça ne vous a pas empêché d'agir ? Ça m'a pas empêché d'agir, je l'ai fait. Je ne pensais pas tuer quand je l'ai fait, mais ils sont morts. Et comme je vous l'ai déjà dit, on ne revient plus en arrière. Quand c'est fait, c'est fait. C'est trop tard. Il est impossible de réparer, de quelle que soit la manière, de toute façon. Il faut continuer à vivre. Avec ça, c'est tout. Devant leur télé, les gendarmes hallucinent. Patrick Havers passe à table avant même qu'ils aient eu le temps de l'auditionner. Et il détaille son mode opératoire, les butins amassés. Il parle même de ses complices, qui eux sont toujours en fuite. Alors, seule explication rationnelle pour les enquêteurs face à cette attitude, Havers croit pouvoir s'en sortir et n'a donc peur de rien. Il compte pour cela sur le Brésil. Déjà, lors de son arrestation, il a tenté de corrompre les policiers, sans succès. Il l'avouera également au cours de cette conférence de presse. Mais surtout, il espère ne jamais être extradé en Belgique. La constitution brésilienne de 1988, adoptée après la fin de la dictature militaire et le retour de la démocratie, interdit en effet expressément le recours à la peine de mort. Alors pas question pour le tout nouveau gouvernement démocratique de livrer un prisonnier à un pays qui l'applique encore. Et en 1989, la Belgique n'a pas encore abrogé la peine capitale, même si elle n'est plus prononcée depuis de longues années. Elle sera abolie officiellement en 1996. Alors, Havers reste au Brésil. Les autorités belges ne sont pas parvenues à négocier que son déplacement dans une prison plus sécurisée que celle de Rio soit fait. Toujours la crainte de l'évasion. Le truand et sa femme sont désormais écroués dans une caserne de la police fédérale à Recife, dans le nord du pays. Et ils y coulent des jours paisibles en maillot de bain. Les crimes de la bande sont toutefois trop importants pour que la justice belge baisse les bras. Après 1000 tractations et l'assurance que les prévenus seront jugés avec humanité, elle obtient enfin l'extradition de Patrick Havers et de Denise Tiac. Le 1er avril 1990, les deux quittent Recife dans un avion de l'armée belge. À l'intérieur, une grande cage rouge spécialement construite pour leur transfèrement. Cette fois, le grand blond est coincé. Sur le tarmac de la base militaire de Coxyde, la moitié de la police belge ou presque attend l'ennemi public numéro 1 pour le conduire en prison jusqu'à son procès prévu le 16 avril 1993, mais ajourné faute de jurés en nombre suffisant, comme vous le disions au début de ce récit. Havers regagne sa cellule et s'y morfond. Jusqu'à cette lueur d'espoir 15 jours plus tard. Policiers, gendarmes, tout ce que la Belgique compte comme force de l'ordre est sur le qui-vive depuis maintenant 3 jours. Depuis l'évasion d'une dizaine de détenus de la prison Saint-Gilles au centre de Bruxelles. Parmi les évadés, 2 dangereux gangsters, Philippe Lacroix et Basri Barami, impliqués entre autres dans l'enlèvement de l'ancien Premier ministre belge Paul Vandenbrunens. L'évasion a été rocambolesque. Pour se protéger des tireurs d'élite, les fugitifs n'ont pas hésité à mettre un gardien sur le capot, le tronc coincé dans le toit ouvrant de la voiture. Question, comment ces détenus ont-ils pu se procurer des grenades et des pistolets à l'intérieur de la prison, armes avec lesquelles ils ont pris 4 personnes en otage avant de les relâcher. Lacroix et Bassamy se sont évadés. Amers espère qu'ils ne l'oublieront pas. Mais non, ils ne tentent rien pour l'associer à l'évasion. Et le truand le comprend tout de suite. Puis Lacroix est repris, 4 jours plus tard, à la suite d'un banal contrôle d'identité. Bassamy, lui, est déjà de retour en Macédoine, son pays d'origine, et il compte bien se faire oublier de la Belgique. Alors, seul, lâché, abandonné, Amers sombre. Pour protester contre ses conditions de détention drastiques au vu de sa propension à se faire la belle, il entame une grève de la faim et de la soif. Son état de santé se dégrade rapidement, tant sur le plan physique que psychologique. Le 13 mai, il se barricade dans sa cellule. Les surveillants n'osent pas forcer la porte. Patrick Amers a déjà tué 3 fois, aucun ne veut être la nouvelle victime. Mais au petit matin du 14, une unité spéciale de la gendarmerie déverrouille la cellule. L'homme qui faisait trembler la Belgique gît sur le sol, mort. Avec le fil de son poste de radio, il s'est pendu au radiateur. Le procès de la bande Amers s'ouvre finalement le 6 septembre 1993 en l'absence du principal accusé. Ses complices écopent de la plus lourde peine, la mort, commuée en prison à perpétuité. Le jury n'a retenu aucune circonstance atténuante. Philippe Lacroix, lui, reprend des études et décroche en prison une maîtrise en langue germanique. Il sort en 2004. L'ancien comparse de l'ennemi numéro 1 est depuis enseignant. On parle de taf et pour des thunes dont je profiterai même pas. Ils obliquent ma vie, j'en ai qu'une, je vis comme dans Koh-Lanta. Cette vie de rêve, savoir un gosse, une meuf, une Chevrolet trop charbonné, une ville, un vélo de ville est trop sous contrat. Se lever à 6 du matin, ensuite déposer le fiston qui lui, quand il grandira, profitera de tous mes pistons. Routine hebdomadaire, donc obligé de prendre des congés. Une vie tellement robotisée que j'ai déjà dans quoi dépenser. Ces crédits immobiliers, Minerval, l'université, collier de perles, des Champs-Élysées pour nos 10 ans de mariage sous deux nanana. Je veux pas de ça, perdre des sous pour des de ça, être père en mari, boss d'une PME, toucher 6200. Pour certains, c'est le paradis. Moi, je veux pas refaire des vies. Je veux vivre un truc inédit, genre 50 Jay-Z, P. Diddy. Je suis fatigué de leur vision de la réalité. 25 ans dans l'humanité, ouais. Sans aucune humanité. Et je pense que si la vie ne me donne pas tout ce que je lui demande, je passerai par la violence. Qu'importe les crimes, en victime innocente, dans la vie, chacun sa chance. L'oubli, loin des bruits des gyros, par caméra de surveillance. Moi qui ne fais la surveillance. Tueur, tueur, tueur. Tueur, tueur, tueur. Tueur, tueur, tueur. Tueur, tueur, tueur. Ouais. La mort est ma raison de vivre. Mon vécu est ivre mort. Rêvasse sur son sort. Toujours à penser qu'il sera libre. Mais la vraie prison se trouve dehors. Proche des coffres forts. Mon âme sort dans un kilo de shit. Quand la vie te baisse, y'a pas de pilule. On en des yeux prêts à cellule. Ce rap de merde n'a plus de vivre. Mais je suis là, je fais que niquer des mères. À force, j'ai plus quoi faire. Ça, je n'ai qu'à teindre de varicelle. Donc, j'ai d'amour que sur ses lèvres. Vrai négro vivra ses rêves. Et cela forever, rêve. T'étais là, mais je t'ai pas vu. Un peu comme ta carrière. On manque demain plus ce qu'hier. Les traites sont pas que négrières. Ils promettent le paradis avec une peine en main. Je te dis, je t'aime aujourd'hui pour une histoire sans lendemain. On est ce qu'on a parce qu'on a eu. Donc, je donne le mien pour prendre le tien. Si je prends les vôtres, c'est pour les miens. Et je pense. Que si la vie ne me donne pas tout ce que je lui demande, je passerai par la violence. Qu'importe les crimes, en victime innocente, dans la vie chacun sa chance. Dans l'oubli, loin des bruits des gyros, par caméra de surveillance. Moi qui ne fais la surveillance. Tueur, tueur, tueur. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire de celui qu'on appelle parfois le Messrine belge, mais on peut trouver des comparaisons peut-être plus justes. On verra, on en parle avec notre invité François Troekens. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez réalisé le film Tueur en 2017 avec notamment Olivier Gourmet, un film qui puise son inspiration dans l'histoire que nous venons de raconter, mais plus précisément dans celle des tueurs du Brabant. Alors on voit qu'il y a ça se croise quelquefois. C'est vraiment plus les tueries du Brabant, votre film. Oui, alors c'est ce qu'on appelle les années de plomb. Les années de plomb, ça représente, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les CCC, les tueurs, les braqueurs de fourgons et l'assassinat aussi d'André Kohls, qui était le président du Parti socialiste. Donc c'est toutes ces années-là. La Belgique a été traversée par énormément de violences et d'affaires troubles dont on n'a toujours pas la solution, puisqu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui sont ces tueurs du Brabant. Alors, vous êtes devenu un spécialiste des affaires criminelles après une autre vie, dont on dira un mot quand même. Vous avez présenté pendant 5 ans une émission consacrée aux faits divers à la télévision belge. C'était quoi votre vie d'avant? Vous avez connu, fréquenté des gens qui, pas forcément très fréquentables. Allez, dites-moi. J'ai commencé un parcours de cinéaste et puis j'ai abandonné mes études pour rentrer dans le grand banditisme. Et parce que je voulais peut-être rencontrer les personnages qui me fascinaient dans les films. Et c'est très difficile d'en sortir. J'en suis sorti, heureusement, par les études. J'ai repris des études en prison et je suis devenu réalisateur et effectivement animateur télé. Aujourd'hui, j'ai complètement changé de vie. Mais ce passé, je dis toujours, j'ai un tas de fumier et je fais pousser des fleurs dessus. Et ça inspire évidemment mes histoires, mes scénarii. Et voilà. Vous me faites penser à José Giovanni, ce Français qui avait été un braqueur. Mais enfin, il a été accusé de choses plus lourdes que vous. Il a fait du cinéma ensuite, notamment Deux hommes dans la ville, film extraordinaire, vraiment extraordinaire. Classe de risque de Claude Sauté, mais c'est lui qui fait le scénario. Le trou de Becker, c'est lui le scénariste. Il vous a inspiré, ce monsieur, Giovanni? Il m'a plus qu'inspiré, puisque je l'ai rencontré alors que j'étais en cavale. Et je lui ai fait lire ce que j'écrivais, et il m'a dit... Laisse tomber le flingue et prends la plume. Aujourd'hui, il n'y a plus que des flics qui font des films de voyous. Il évoquait Olivier Marchal, que je connais bien, que je salue au passage. Et donc, il m'a donné la possibilité d'y croire. Je me suis dit, c'est possible, même en étant en détention, de changer de vie, d'avoir une seconde chance. Et on évoquait d'ailleurs un personnage dans Bande-à-Mer, ce qui est Philippe Lacroix. Il est devenu enseignant aujourd'hui, des profs d'université. Ça prouve qu'on peut changer et changer de vie. Et j'en suis l'exemple aujourd'hui, comme José Giovanni. Vous préparez une série documentaire sur Patrick Amars? Absolument. Donc, je prépare une série documentaire sur cette affaire parce qu'elle a marqué la Belgique. Elle fait partie de l'histoire de la Belgique. Donc, il y a peu de bandes qui ont enlevé un premier ministre. Un homme qui était quand même très particulier. Van de Boonen, c'était, je l'identifie un petit peu entre un Chirac et Pasqua. Un homme qui est... Un peu truculent, comme ça. Truculent, mais aussi... Très connu aussi. Et puis à qui on lui prêtait beaucoup d'affaires troubles. Ah. Et donc, c'est un homme mystérieux. Et aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que Van de Boonen n'a pas été enlevé ou qu'il était complice de cet enlèvement. Or, il a bien été enlevé par la bande Amers, qui me l'ont confirmé. Oui, pourquoi on a pensé qu'il pouvait être complice? Parce qu'il devait passer pour un procès pour évasion fiscale et sa disparition profitait un petit peu. C'était un écran de fumée pour certains. Et puis surtout, la rumeur dit que quand il a été libéré, il n'est pas rentré chez lui, il est rentré chez sa maîtresse. Mmh. Et donc, il a voulu faire une conférence de presse pour expliquer qu'effectivement, il avait été enlevé. Et donc, il fait une conférence de presse qui est surréaliste, on l'a entendu, où pendant 1h30, il raconte avec force de détails qu'il a mangé des petits pois, qu'il a dormi sur un lit qui n'était pas confortable, parce qu'il voulait vraiment donner du crédit à cet enlèvement, parce que beaucoup de journalistes commençaient à dire « Mais si ça tombe, ça fait un mois qu'il est chez sa maîtresse. » Et il a voulu... esquiver son procès et mettre un écran de fumée devant lui. Il y a un contexte important, je le disais en introduction de l'émission, donc en Europe, dans plusieurs pays, vous avez des groupuscules violents, dont les motivations étaient au départ politiques, exprimées dans une logorée révolutionnaire incompréhensible, souvent, mais ces organisations très vite sombraient dans le crime de droit commun, ne serait-ce que pour financer leurs actions. Là, on a un groupe de truands qui n'a pas de motivation politique, mais qui semble profiter de ce que vous appelez justement, enfin de ce qu'on appelle tous, les années de plomb. Il y a ce mélange-là, à cette époque-là, et cette affaire à Meurs nous en dit beaucoup sur cette époque. En fait, je vais vous révéler quelque chose. Il y a un complice dans la bande, qui est un avocat, qui s'appelle Michel Van der Hels, qui a été condamné à 7 ans de prison. Mmh. L'avocat de Patrick Amers et de Philippe Lacroix leur dit... les gars, il faut arrêter de braquer les fourgons, vous faites des victimes, il faut passer à autre chose. Et il leur propose l'affaire Van de Boonans. Il leur dit, je sais où il vit. Et donc cet avocat est un spécialiste en évasion fiscale. Et évasion tout court, non ? Oui, mais il crée des sociétés au Panama pour des hommes très riches. Et il dit, je sais que Van de Boonans a de l'argent caché. Et Van de Boonans a un homme d'affaires, a un homme de confiance autour de lui. Et c'est lui qu'il faut contacter. Donc ce que vous allez faire, vous allez enlever Van de Boonans, vous contactez sa famille en faisant un leurre, mais vous n'attendez pas, vous ne les contactez pas en fait pour avoir la rançon, vous allez contacter son homme de confiance, et je vais vous dire qui c'est Jean-Nathan, qui est un ancien résistant avec, donc Paul Van de Boonans, résistant et ancien agent du Mossad. Donc c'était l'homme indiqué pour pouvoir remplir cette mission. Mais cet avocat, on le connaît, on sait qui il est, il a été inquiété. Il a été condamné à 7 ans. Ouais. Et il s'est fait pincer parce qu'en fait, il fait la fête avec la bande à Nice et il est photographié dans un restaurant. Et donc les enquêteurs se disent, mais qu'est-ce que cet homme fait là, après l'enlèvement? Et donc en fait, mais c'était lui la tête pensante, c'est lui qui a tout conçu. Et dans mon documentaire, il fait des révélations en disant, ben voilà. Et lui, c'était presque de politique. Il était scandalisé par le fait qu'un homme d'État puisse faire détourner de l'argent, et il voulait lui faire une correction. Et il le dit, il ne l'a pas fait pour l'argent, il l'a fait presque comme un pied de nez. Et il avait demandé aux braqueurs, en leur disant, il y a une seule condition, vous ne lui faites pas de mal. Il était hors de question de lui couper un doigt ou de couper une oreille, mais de le traiter convenablement. Mais c'est pas le baron en pain, quoi. Absolument. Et ils l'ont lâché. Et VDB, d'ailleurs, a tout de suite compris qu'il ne serait lâché, parce qu'en fait, comme ils ne montraient pas leur visage, et qu'ils faisaient attention de ne pas dévoiler leur voix, ils se disaient, mais s'ils font tout ça, c'est que finalement, ils ont l'intention de me relâcher. J'ai l'impression que pour votre documentaire, vous prenez beaucoup de plaisir, parce que dans cette affaire, j'ai l'impression aussi que tout le monde parle. Bah oui, j'ai la chance d'avoir les protagonistes. Tout le monde dit, raconte. Voilà. Mais il y a 30 ans qui sont passés, c'est donc vrai, en fait, enfin, c'est affaire sensible déclassée. Et donc le avocat parle. Exactement. Bon, on va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté L'homme pâle, maladie moderne. Le sens de la vie part en fade out. Aucune bonne raison, mais je veille tard. J'anticipe déjà le réveil d'après. J'aimerais bien pleurer, mais y a rien qui s'y prête. Et s'ils sont vraiment pour le partage, alors qu'ils viennent me prendre une part de vide, de son plaisir dans l'appartement, le seul hic, c'est que j'en ai un petit peu marre de vivre. Ma douce, ma belle parle de moi, et je suis bien le seul que ça n'intéresse pas. Mais tout sur pause, appuie sur la barre espace. Si, je suis un fantôme dans le noir. Maladie moderne, je soupire jusqu'à mon dernier, c'est l'enfer. La machine marche à l'envers. Oh maladie moderne, je soupire jusqu'à mon dernier, c'est l'enfer. La machine marche à l'envers. Et la nuit porte le doute, perdu, je sais plus si je suis bloqué dans ma chambre ou bloqué dans ma tête. Vu que rien ne change, je me dis que j'ai pas de chance, comme la plupart des gens, mais je le mérite peut-être. Bien sûr que je me sens MAUDIT. Le vide fait du forcing pour me dater. Demander de l'aide, j'aurais jamais idée. Pas du genre à crier trois fois mayday. Nope, plus qu'à continuer de croquer dans ce fruit, jusqu'à ce qu'il ait un goût de Goya. J'ai mis ma veste pour sortir boire un verre, mais je suis encore assis et tout à fermé. Bon comédien, je fais semblant de l'aimer. Ça deviendra vrai 3 jours et demi dans l'année. Mais ce 1% de plaisir est tellement raffiné. Je sais bien que le miel n'existe que grâce au vinaigre. Maladie moderne, je soupire jusqu'à mon dernier, c'est l'enfer. La machine marche à l'envers. Maladie moderne, je soupire jusqu'à mon dernier, c'est l'enfer. La machine marche à l'envers. et la nuit porte le doute. Perdu, je sais plus si je suis bloqué dans ma chambre ou bloqué dans ma tête. Vu que rien ne change, je me dis que j'ai pas de chance, comme la plupart des gens, mais je le mérite peut-être. Affaires sensibles. François Toukens, vous m'avez donné l'eau à la bouche avec votre série documentaire. Elle va passer où et quand? À peu près, parce que je sais que c'est pas finalisé encore. On est en début du tournage et on espère que ça soit diffusé sur une plateforme en 2024, enfin 2023-2024. Bon, je disais que vous aviez de la chance, enfin la chance, vous traitez un sujet pour lequel les gens parlent, ben on va écouter encore leurs paroles, on va écouter un nouvel extrait de cette conférence de presse hallucinante que donne Amers à Rio après son arrestation. On en a écouté un extrait, en voici un autre qui vaut également le détour. Pour moi, ce qu'il y a de plus de valeur, mon fils et ma femme, et mes parents. L'argent ? L'argent passe après. L'argent, ça tourne, ça aide à vivre comme je veux vivre. Mais c'est pas ma vie, l'argent. Ça vous a quand même bien occupé ? Ben oui, puisque je veux de l'argent pour vivre comme je veux vivre, je dois... Vous voulez vivre comment ? Non, avec ma femme, mon fils, moi je suis comme ça, je veux vivre avec eux tout le temps, quoi. Mais il faut pas nécessairement de l'argent pour ça. Mais si, parce que vous je veux pas travailler, je veux pas passer 8 heures dans un bureau et pendant 8 heures, je le vois pas. Alors je vis 24 heures sur 24 avec eux, à faire des choses avec eux. Vous dépensez quand même 500 000 francs par mois, c'est beaucoup. Mais je savais même, ça ne va pas vous paraître débile, mais c'est pas la première fois d'ailleurs que la police a à voir avec moi question d'argent. Mais je savais pas qu'on dépensait autant. Et moi, j'étais persuadée je croyais qu'on dépensait 100 000 francs par mois. Parce que j'avais dit à mon mari, si tu places l'argent comme ça, c'est bien, ça va nous suffire, on a 100 000 francs. Lui, il devait penser qu'on devait dépenser dans les 300 000, 200, 300 000. Mais 500 000, vraiment, je savais pas. À ça, j'étais tout étonnée. Mais parce que les choses que j'aime coûtent cher, malheureusement. Il serait presque touchant, madame et monsieur. Alors, il dit un moment... parce que je ne veux pas, alors je fais des braquages, parce que je ne veux pas travailler, je ne veux pas passer 8 heures dans un bureau, sous-entendu, comme vous, moi je me fais pas avoir, donc j'ai pas d'argent puisque je travaille pas, je vole. Voilà. Donc c'est quand même souvent la motivation des truands, mais au-delà de ça, qui appartient quasiment à tous les truands, qu'est-ce que cet extrait dit de la personnalité de Amers? Il est considéré comme psychopathe, donc ça c'était avéré. C'est quelqu'un qui n'a de l'amour et de l'intention que pour ses proches. Et il le dit clairement. Il dit voilà, à part ma femme, mes enfants, enfin mon fils et mes parents, le reste un peu m'importe peu. Sauf que je sais quand même qu'il a demandé à voir un psychiatre. Il supportait pas le fait d'avoir tué des gens. Et ce qui était un peu paradoxal, puisque son complice lui dit « Mais qu'est-ce que tu vas aller raconter au psychiatre ? Tu vas quand même pas aller raconter que tu braques et que tu tues des gens. » Donc c'était compliqué pour lui. Je pense qu'il le vivait très mal. Et d'ailleurs, son suicide témoigne aussi que c'était quelqu'un de fragile. C'est pas quelqu'un qui... Cela dit, fragile, effectivement. Alors, les raisons d'un suicide sont si intimes qu'on peut jamais les commenter, mais fragile, mais enfin, il était quand même en fin de parcours, sans espoir. Ses complices étaient évadés, il l'avait laissé. Enfin, une horreur. Oui, alors comme ses complices ont considéré que ses aveux à la presse étaient considérés comme du balançage. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont lâché, d'accord. Oui, parce qu'en fait, ils auraient pu très bien aller le chercher. Mmh, bah oui. Et quand il s'est avéré qu'il est resté tout seul dans sa cellule, il s'est dit, mon ami Philippe Lacroix, qui est venu déjà me libérer une première fois, ne viendra plus. Mmh. Et donc, tous ses espoirs se sont anéantis et il met fin à ses jours. Alors, la raison pour laquelle il fait cette conférence de presse, il faut savoir que la police savait déjà tout. Ils avaient trouvé les armes, ils avaient trouvé les plans, etc. Dit, oui. Donc, il pense qu'en faisant des aveux, il va pouvoir rester au Brésil. Sauf qu'ils sont tombés dans leur propre piège. Le fameux BSR, qui sert de prétexte, Eh bien, la Belgique dit au Brésil, effectivement, vous n'extradez pas les délits de droit commun, mais là, nous c'est avons... C'est du politique. Oui, c'est et un voilà. crime politique. Et, oui. Et donc là, le Brésil, qui sont en main avec les FARC et autres, se disent, ben, on va se débarrasser de ces militants extrémistes violents, et on ne veut pas ça chez nous, donc c'est pour ça qu'on les rend. À la mauvaise idée, quoi. La mauvaise idée de Hammer, de se mettre derrière un acronyme politique. Non, l'idée de l'avocat. Michel Van der Helst, qui ouais. pense à ça et qui leur dit qu'il faut écrire BSR, qui avait trouvé le jeu de mots intelligent. Et donc, en fait, ils vont ah oui, tomber... Donc c'est lui qui est responsable de ça. Okay. Responsable, en tout cas, qui a eu l'idée. C'est le même homme qui leur a dit « arrêtez de tuer, faites plutôt autre chose ». D'où l'enlèvement exactement. Du poil, on est d'accord. Parlez-moi de Philippe Lacroix, parce que j'ai l'impression qu'il est un peu différent, lui. Je ne sais pas en quoi il est différent, mais qu'est-ce qu'il a, c'est Philippe Lacroix, qui finit, on rappelle, il finit enseignant, c'est-à-dire qu'il se réinsère en prison, fait des études très approfondies, et il finit enseignant. Alors Philippe, c'est quelqu'un d'extraordinaire dans la mesure où il a saisi sa seconde chance, comme vous le dites. Il a réussi à faire des études et d'apprendre deux langues en prison, en cellule, sans prof, et de venir faire une licence en langue germanique. Et aujourd'hui, il est prof de néerlandais et d'anglais. Ce qui est particulier, c'est qu'en fait, il a fait tout ça par amitié. Il va libérer son complice, Patrick, juste par amitié. C'est-à-dire qu'il prend des risques énormes, il va le faire évader. Pour la petite histoire, il va se faire un alibi. Donc il va casser la vitre de sa voiture à Antibes, il va porter plainte à la police d'Antibes pendant qu'il fait évader son pote à Bruxelles. Comment il fait ? Il envoie son frère qui lui ressemble et qui va signer une déposition disant qu'on a question sur le carreau. Mais la police n'est pas dupe et se rend compte qu'il est derrière tout ça. Donc en fait il se retrouve vraiment en cavale pour sauver son ami. Et son ami, qu'est-ce qu'il fait ? La petite histoire aussi, une anecdote. Quand ils vont demander la rançon de VDB et qu'il va négocier avec Jean-Nathan, Patrick Hammers il sort en discothèque à Bruxelles. Ouais. Et il va poser son flingue sur le comptoir et il dit voilà, tournée générale, s'il y a quelqu'un qui moufte ici, je le bute. Et donc il va faire la fête toute la nuit et quand Lacroix apprend ça et Tosca, leur complice, ils se disent mais ce type est complètement dingue, il est complètement en dehors du temps, donc ça crée des tensions terribles. Et lui se rend compte que finalement il a pris des risques énormes pour sortir un ami de prison qui finalement ne le respecte pas tellement, donc il remet en cause cette amitié en disant est-ce que c'était vraiment de l'amitié ouais. ou de la dépendance affective. Dernière chose, vous êtes également le président de l'association Chrysalibre, c'est oui, ça ? Oui, tout à fait. Dont l'objet est de faire entrer la culture en prison, il s'agit de faire entrer des nouveautés littéraires dans les bibliothèques des lieux de privation de liberté. Comment jugez-vous les possibilités de réinsertion aujourd'hui pour les détenus belges ? Ça, si cette association existe et qu'il y a encore des efforts à faire ? Ben écoutez, j'ai fait la prison en France et en Belgique et il y a tout à faire. Je pense qu'il faut donner une seconde chance aux jeunes. Il faut les sortir de prison avec des capacités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met quelqu'un en prison, on ne le l'aide pas à s'en sortir. Et il sort pire qu'il n'est rentré. Et ça ne va pas. Et je dis à tous les parents qui nous écoutent, si un jour votre enfant se retrouve en prison, on n'a pas envie qu'il sorte pire qu'il n'est rentré, on veut qu'on le prenne en main, qu'il prenne conscience de ses actes et qu'il se réinsère. Ce sera le mot de la fin, François Troukens. Merci d'être venu jusqu'à Paris nous voir pour nous parler de cette affaire. Au revoir. Et Affaires Sensibles aujourd'hui, Patrick Hammers, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Henri Bérec.